Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Il fut un temps lointain, alors qu'existait une gauche et une droite peu réconciliables, où Jean d'Ormesson était loin d'avoir la sympathie de tous. Où, pour une bonne partie du public, il était moins d'Ormesson que de droite. Depuis la fin des années 60, journaliste au Figaro, dont il devait devenir le directeur, son talent, son esprit et son humour tapaient alors durement sur ceux du camp d'en face, au point de faire se dresser Jean Ferrat, armé d'une chanson engagée qui ne fut sans doute pas sa meilleure. Il fut un temps, aussi incroyable que cela paraisse, où les livres de Jean d'Ormesson ne se vendaient pas. 15 ans après sa première parution, il lui aura fallu attendre 1971 pour connaître un premier succès avec son roman « La gloire de l'Empire ». C'est précisément cette année-là, 2 ans avant son entrée sous la coupole, que nous allons l'entendre sur France Culture, réagissant aux mots-clés que lui soumettait Pierre Lost. Un Jean d'Ormesson, sûrement pas tant à droite que cela au fond, puisqu'on peut l'entendre dire dans cette émission qu'entre Guevara et Batista, c'était sans hésitation au Che qu'allait sa préférence. Pour le simple plaisir de l'entendre, à ce qui n'était que le début d'une grande carrière dans les médias, Jean d'Ormesson, dans Les mots-clés, diffusait la première fois le 1er décembre 1971 sur France Culture. Avec une très grande joie que nous accueillons aujourd'hui Jean d'Ormesson dans notre émission Les mots-clés. Jean d'Ormesson qui, après L'amour est un plaisir, du côté de chez Jean, Un amour pour rien, Au revoir et merci, Les illusions de la mer, a publié chez Gallimard La gloire de l'Empire, avec lequel il a obtenu, il y a quelques semaines, le grand prix du roman de l'Académie française. Jean d'Ormesson, vous connaissez la règle du jeu des mots-clés, c'est-à-dire que je vais vous offrir en vrac volontairement, un certain nombre de mots et un certain nombre de noms et qui devraient déclencher en vous une réaction. Je vous demanderai d'y répondre en une minute, en une phrase, en 2 minutes. Prenez le temps que vous voulez. Nous y allons. Le soleil. Vous tombez sur ce qui est évidemment pour moi une des clé de ce que j'aurais voulu faire et peut-être de ce que j'ai fait. J'imagine que si nous vivions à une époque plus reculée, j'aurais été sûrement un des adorateurs du soleil. C'est un des éléments qui me paraît essentiel dans la vie. Je vous assure que si il n'y avait pas de soleil, je n'envisagerais pas de poursuivre une existence qui deviendrait inutile. Je crois vraiment qu'un monde sans soleil me paraîtrait ce que peuvent paraître à d'autres, vous savez, un monde sans musique ou un monde sans arbres, c'est-à-dire l'abomination de l'horreur. J'aime les pays de soleil, j'aime le soleil, j'ai une espèce de pacte d'amitié avec lui, et sûrement l'image du bonheur que je m'en présente, c'est d'être étendu sous le soleil dans un pays très chaud. Marcel Proust. Marcel Proust, c'est une de mes admirations les plus grandes. C'est probablement l'écrivain que j'admire le plus avec Chateaubriand. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait peut-être établir une espèce de lignée Saint-Simon, Chateaubriand, Marcel Proust. Et ce sont 3 noms parmi ceux que j'aime le plus. J'ai découvert Marcel Proust très tard. Dans un de mes livres, Au revoir et merci, je raconte comme un des témoignages de ma sottise et de ma stupidité qu'à un âge déjà assez avancé, je pense que je devais avoir 15 ans ou peut-être 16 ans, J'ai ouvert au hasard, vous savez, comme ça, comme je fais souvent les choses, c'est-à-dire dans le désordre. J'ai ouvert Albertine disparue. Et le livre m'est tombé des mains d'ennui. Alors si je vous dis ça, vous savez, c'est pas par fierté. C'est une des choses dont j'ai le plus honte au monde. Albertine disparue est un des livres que j'aime le plus au monde. Et le début d'Albertine disparue, Mademoiselle Albertine est partie. Que la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. C'est une des phrases que je me répète probablement chaque semaine, chaque mois sûrement. Et tout Proust me paraît un ami de tous les jours et j'ai vraiment honte d'avoir tant tardé à le découvrir. L'ennui. Alors ça c'est très simple, j'ignore ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est l'ennui, je ne m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais quand je suis seul. Je m'ennuie quelquefois avec d'autres. Mais alors la responsabilité est plutôt sur les autres que sur moi-même. Il y a un très joli mot d'Alexandre Dumas que vous connaissez sûrement. On lui dit comment était le dîner d'hier chez les Intels et il répond « Oh mon cher, si je n'avais pas été là, je me serais ennuyé. » Les femmes. Ah ben vous voulez que je vous réponde d'un mot ou pendant 3h15? Comme vous souhaitez. Vous savez, les femmes, ça c'est un sujet. Disons que c'est un peu comme le soleil, non? Si elle n'était pas là, je crois que ça ne vaudrait pas la peine de continuer. Et vous savez, j'aime beaucoup la banalité. Je crois que l'essentiel, c'est pas de chercher à dire d'autres choses, c'est de chercher à dire ce que tout le monde pense, mais probablement ou peut-être un peu mieux que les autres, en y apportant quelque chose qui fait que les autres s'y reconnaissent mieux que quand ils y pensent ou quand ils l'expriment eux-mêmes. Je crois que c'est ça la littérature. C'est pas du tout d'éveiller chez des gens des idées qu'ils n'ont jamais eues et dans lesquelles ils ont le plus grand mal à se glisser, c'est au contraire de leur dire des choses de façon qu'ils se disent « Mais oui, je pensais ça, mais comment est-ce que je ne l'ai jamais exprimé ?» Alors voilà, alors les femmes, c'est ce qu'il y a de plus banal au monde, et je crois aussi que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais vous savez, la banalité, on ne l'épuisera jamais. C'est une chose, par exemple, à laquelle je pense. Quelle est la plus grande douleur au monde? C'est probablement de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Eh bien, tout le monde a éprouvé cette douleur. Tout le monde a vu mourir un père ou une mère qu'il aimait beaucoup, ou s'il n'aime pas ses parents, quelqu'un d'autre qu'il aime beaucoup. Eh bien, c'est ce qu'il y a de plus banal au monde, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus déchirant. Eh bien, je crois aussi que ce qu'il y a de plus agréable au monde, de plus bouleversant au monde, de plus passionnant au monde, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus banal, c'est les femmes. Et alors, par une chance extraordinaire, n'est-ce pas, cette banalité la plus banale finit par devenir quelque chose d'exceptionnel dans le monde où nous vivons. Alors ça, c'est une chance à ne pas laisser échapper. Alors, pour ma part, je dois dire, les femmes, ça compte beaucoup. Rome. Ah, Rome, c'est... Vous savez, vous me tendez, n'est-ce pas, à une espèce de bouquet de tout ce que j'aime et de tout ce que et de tout ce à quoi je tiens. Rome, bon, j'en ai parlé il y a quelques jours dans une conférence que j'ai faite. Horreur, voilà que je me mets à faire des conférences. Dans une conférence que j'ai faite, et j'en ai parlé beaucoup trop longuement, je crois que j'en ai parlé pendant 1h15, et j'ai eu l'impression de dire le centième de ce qu'on pouvait dire sur Rome. Je vous dirais très franchement que quand j'étais un peu plus jeune, il m'arrivait avec des amis de partir de Paris. Je me rappelle par exemple, il y avait un cocktail chez Gallimard, comme ça, où j'étais allé. Je ne vais pas souvent dans les cocktails, mais j'avais été au cocktail Gallimard. C'était un vendredi soir, je me rappelle, et il pleuvait. Et avec un ami, nous sommes sortis de la rue de l'université et nous sommes montés en voiture et nous sommes partis pour Rome en roulant toute la nuit de vendredi à samedi. Et nous sommes arrivés samedi vers la fin de la journée à Rome. Nous avons passé 2 heures sur la Piazza Navone. Et nous sommes repartis pour Paris, où nous sommes arrivés lundi matin, vous devinez dans quel état, pour le bureau. Évidemment, Rome, c'est la plus belle ville du monde, et je crois qu'on pourrait en parler des heures, de ses monuments, de son destin, de ses visiteurs, et de sa beauté. La psychanalyse. Ah, alors là, cette fois-ci, je suis très contre. Non, je suis très contre. Vous savez, c'est un peu ridicule de dire qu'on est contre la psychanalyse. Ça me fait penser à la dame qui dit au docteur « Docteur, vous savez, je ne crois pas aux microbes. » Et le docteur lui répond « Madame, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse ?» Alors que la psychanalyse soit la plus grande invention en psychologie de ce dernier demi-siècle, ou de ce dernier trois quarts de siècle, que ce soit une des plus grandes inventions contemporaines, comment le nier ? Il y a évidemment trois hommes qui ont changé le sort du monde depuis un siècle. C'est Einstein, c'est Marx et c'est Freud. Alors, le nier, ça, ce serait dérisoire. Ce contre quoi je suis, c'est contre le snobisme de la psychanalyse, contre l'abus de la psychanalyse, contre les dames du monde qui se pâment devant la psychanalyse. Mon Dieu, je ne sais pas, elles ne se pâment pas devant les dernières découvertes en physique moléculaire ou devant les découvertes de la peinture grecque à Pestum. Alors, pourquoi est-ce qu'elles se pâment comme ça devant la psychanalyse? Il y a une espèce d'entraînement, de snobisme qui, alors là, m'exaspère. Je suis tout à fait persuadé qu'il doit y avoir des moments où on ne peut pas continuer à vivre sans aller voir un psychanalyste. Bon, alors, très bien. Moi, j'espère être à l'abri de tels malheurs. Mais voilà, disons que c'est un secours d'urgence. Et aussi, peut-être, un sujet d'étude. Mais de là à mettre la psychanalyse dans toutes les sauces, dans tous les romans, dans toutes les pièces de théâtre, dans toutes les conversations et dans tous les films, alors là, pitié, non. Stendhal. Stendhal, pour moi, c'est d'abord l'Italie, vous savez. Vous m'avez parlé de Rome tout à l'heure. Alors Stendhal, pour moi, c'est celui qui a dit... quand on a par hasard une chemise et un cœur, il faut vendre sa chemise pour aller en Italie. Ce que j'aime le plus dans Stendhal, c'est d'ailleurs ce qu'il aimait le plus lui-même, c'est l'Italie. C'est les nouvelles italiennes que je mets au-dessus de tout. Je trouve les nouvelles italiennes absolument admirables. C'est cette atmosphère de bonheur qu'il trouve en Italie, et de bonheur un peu sec, n'est-ce pas, de bonheur sans grande phrase. Alors ça me touche beaucoup dans Stendhal, et dans la description de l'Italie par Stendhal. Le tiercé, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est des choses où on donne de l'argent pour en recevoir, non? Je ne connais rien d'autre. Le ski. Ah, le ski, en revanche, ça, c'est autre chose. Pas le tiercé, c'est... Le tiercé, vous n'y prenez pas part. Le ski, ça, c'est quelque chose. Vous voyez pourquoi, d'abord, le ski... ce que j'aime d'abord dans le ski, c'est le soleil. Hein? Quand on ne peut pas avoir le soleil parce qu'on est en hiver, on va le chercher sur ces montagnes et on découvre cette espèce de... Bon, je crois qu'il faut dire de griserie, bien que le mot est un peu ridicule. Vous trouvez cette espèce de vertige, de descente à fond de train sous un soleil éclatant. Et je pense que c'est de quelques-uns des souvenirs de bonheur les plus fabuleux que je conserve, que cette descente où tout est blanc sous un espèce de grand soleil, et des souvenirs en même temps de soleil, de vitesse et de camaraderie, qui forme un des cocktails les plus explosifs qu'on puisse trouver. Edith Piaf. J'aimais beaucoup Edith Piaf. J'ai écrit, pardonnez-moi ce ridicule de parler de moi tout de suite à ce propos, j'ai écrit dans un journal qui s'appelait Art, à la mort d'Edith Piaf, un petit article qui est une des choses auxquelles je tiens peut-être parmi ce que j'ai écrit, parce que j'y avais exprimé ce qu'Edith Piaf représentait pour nous, vous savez, pour nous, c'est-à-dire pour une certaine génération pour qui je ne regrette rien, où les amants d'un jour étaient une espèce de poésie très profonde et dont on pouvait parler sans ricaner, hein, une poésie, la poésie, on peut difficilement en parler sans sans la mettre entre guillemets. Tandis qu'Édith Piaf avait trouvé cette espèce de ton si direct et si pur. Et je crois vraiment que la poésie de notre époque, la poésie d'un certain air du temps, c'est Édith Piaf. L'humour. Giraudoux disait « Quand ferait-on des calembours, sinon en face de la fatalité ?» Alors, je crois que l'humour, c'est un bon moyen de prendre non pas ce qui est gai, mais ce qui est triste, n'est-ce pas ? Et que c'est une bonne façon d'aborder le monde, de le dépouiller d'une certaine solennité que nous ne supportons plus, de le prendre comme ça, à vif, avec un mélange de drôlerie et finalement d'amitié. Je crois que ceux qui n'ont pas d'humour n'ont en réalité pas d'amitié. Je crois que l'humour est une façon pudique de prendre les choses à la fois en riant et au sérieux. Le sérieux qui est le contraire du grave. Offenbach. Ah ben j'aime beaucoup ça, moi j'aime beaucoup le « Je suis le Brésilien » ou j'aime beaucoup ça. Il y a un personnage pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que ça devait être une espèce de canaille brillante, pas du tout à la mode, n'est-ce pas ? C'est le contraire de ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est Morny. Et j'aime beaucoup Morny, j'avais pensé à un moment écrire quelque chose sur Morny, et puis ça a été fait très bien. Offenbach pour moi c'est l'illustration d'un certain mode de vie éblouissant, d'insolence, d'intelligence aussi, d'intelligence qui est Morny. Le bonheur. Je vais vous dire, je suis pour. La gloire. Ah mais je ne suis pas contre non plus. La gloire, vous savez... Bon, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin, qu'est-ce que vous préféreriez ? Est-ce que vous préféreriez une gloire éclatante qui ne serait pas justifiée et de mauvais aloi, ou une toute petite célébrité, mais qui serait justifiée et de bonne qualité ? Alors, tout de même, ça m'a paru une insulte, n'est-ce pas ? Ça m'a paru presque une insulte, et j'ai répondu avec magnanimité que je préférerais l'ignorance la plus totale, à condition d'avoir fait quelque chose d'honorable, n'est-ce pas ? D'accord. Mais, enfin, vous voyez, tout de même, on m'a posé la question, ça veut dire qu'on sait que j'ai quand même pour... Oh, pour la gloire sûrement, mais je vais même vous dire, même pour la publicité, j'ai un certain faible. C'est vous dire jusqu'où je tombe. Mais enfin, il faut quand même défendre une certaine... Il faut défendre ses Thermopyles, vous savez, comme disait Aldous Huxley. Guevara. Vous savez, là, vous m'embarrassez beaucoup, parce que Guevara... C'est bon, chacun le sait, c'est l'image romantique de notre temps, n'est-ce pas ? Et c'est l'image de la révolte. Et inutile de vous dire que Guevara est aujourd'hui le symbole de toute une jeunesse et de tout un mouvement d'idées qui est évidemment parmi les choses importantes de notre temps. Alors... À moins de vouloir pousser des cris, n'est-ce pas, l'enthousiasme, de dire « Ah, Guevara, quelle merveille, bon, vous savez, comme font tous les gens qui sont commodément installés comme nous dans un fauteuil très confortable », je veux dire qu'il y a quand même une certaine opposition entre un certain mode de vie que nous menons tous et ce que représente Guevara. Il y a des gens qui ont d'ailleurs tout sacrifié à cet idéal et qui ont sacrifié leur mode de vie, comme un type comme Debray, qui évidemment est tout à fait respectable. Mais quand on n'est pas Debray, la question que pose Guevara à chacun de nous, c'est le problème de la révolte. Alors, évidemment, ce que je voudrais là, c'est ne pas avoir l'air de jouer sur tous les tableaux et ne pas continuer à vivre sur des malentendus. Évidemment, vous connaissez, vous savez que moi, personnellement, j'ai pas choisi la révolte. Si j'avais choisi la révolte, je ne vivrais pas comme je vis actuellement et, mon Dieu, je verrais beaucoup de choses dans ma vie qui auraient été profondément modifiées. Donc, je n'ai pas choisi la révolte. Ceci dit, il y a quelque chose, ou cela dit plutôt, il y a quelque chose qui m'agace quelquefois un peu, c'est quand on vous dit, n'est-ce pas, est-ce que on a l'impression que la révolte, c'est un peu comme de virer sa cutie, vous savez, ou de faire sa première communion. Est-ce que vous avez fait votre révolte ? Vous l'avez faite, vous, votre révolte? Vous êtes passé par là? Alors, bon, mon Dieu, je sais pas, moi, je sais pas si j'ai fait ma révolte ou pas. Non, je crois pas que je l'ai faite. Parce que ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on fasse passer d'abord la révolte, n'est-ce pas? Et puis on va voir ensuite à quoi on l'applique, n'est-ce pas? Alors, la révolte, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est premier. Ce qui est premier, c'est ce contre quoi on se révolte. Et alors, je remplacerai volontiers le mot révolte par le mot indignation, en ce qui me concerne. Alors, j'espère avoir conservé suffisamment de réflexe et de sens des choses pour être encore capable d'indignation, pour s'indigner contre ce qui est laid, ce qui est sot ou ce qui est méchant. Alors, en ce sens, c'est pas la révolte de Guevara, je pense qu'elle était entièrement justifiée quand on pense à ce qu'était par exemple Batista. Si vous me demandez qu'est-ce que vous pensez de Guevara par rapport à Batista, eh bien, vous savez, j'approuverais chaudement Guevara contre le régime abominable qu'était celui de Batista. Giraudoux. J'ai mis en épigraphe à un de mes livres une ligne de Giraudoux. C'est vous dire que je l'aime beaucoup. J'ai particulièrement beaucoup d'admiration pour un livre comme Le Provincial. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la description du chat dans la Provinciale. Dans les Provinciales. C'est absolument merveilleux, le chat qui sort de la... la chaise de la vieille dame. Ce que j'aime beaucoup dans Giraudoux aussi, c'est cette façon légère de prendre les problèmes graves. Dans Giraudoux, on peut trouver tous les problèmes de l'État, de la paix et de la guerre, de l'homme et de la femme. Il a vécu à une période dont le moins qu'on puisse dire qu'elle a été troublée, et en un sens, il a abordé les grands problèmes de son époque, mais avec une espèce d'humour et de légèreté merveilleuse. Je me rappelle aussi le très bel article qu'il a fait, je crois, dans le tableau de la littérature française de la NRF, si je ne me trompe pas, sur Racine. Et il parle... Je cherche à me souvenir exactement de la phrase, et il parle, n'est-ce pas, de la retraite de Racine qui revient une dernière fois sur le devant de la scène avec Attali. Et il a cette phrase merveilleuse pour montrer ce dernier, ce comeback, n'est-ce pas, nous dirions aujourd'hui, de la vedette. Il a cette phrase merveilleuse: le destin ne déteste pas. Avant l'exil ou le cancer, rendre pour une dernière fois les grandes âmes à leur grand exercice. Alors là, n'est-ce pas, on voit cette espèce de, chez Giraudoux, d'abord de culture extraordinaire, c'est un homme d'une culture extraordinaire, et puis cette espèce de façon si élégante, n'est-ce pas, si élégante, avec un espèce de sourire de bonne compagnie, de parler de choses graves et sinistres, mais avec une grande élévation d'esprit. La sagesse. Oui, la sagesse. Alors, vous voyez, là, la sagesse, le bon sens, l'équité. Je ne vous dirai pas que je suis contre, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre du tout. Je me rangerai volontiers du côté d'une certaine banalité, contre une certaine révolte. Je mets les choses entre guillemets, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut revenir à un certain nombre de grandes vérités qui sont aujourd'hui trop traînées dans la boue, etc. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose d'un peu figé dans la sagesse. Cher Pierre Lost, vous savez, je vous aime beaucoup, alors vous reviendrez me poser le mot « sagesse » dans 10 ans ou dans 15 ans, vous savez, quand nous aurons, vous et moi, atteint le moment où nous serons complètement détachés, où nous serons tout à fait sereins. Alors pour le moment, alors encore un peu de folie, un peu de sottise, et jetons encore un peu des choses comme ça. Encore, hein, il est grand temps, mais encore un peu. La musique. Bon, là, je vais vous dire, c'est une de mes grandes faiblesses, je la connais très mal. je la connais très mal. J'avais un grand-père qui était tellement peu musicien que, vous savez, il était ambassadeur. Et quand on jouait la Marseillaise, on était obligé de le pincer pour qu'il se lève, parce qu'il ne la reconnaissait pas. Alors, je ne vous dis pas que j'en suis là, n'est-ce pas ? Je crois que mon grand-père ne reconnaissait que le grand air de Carmen. C'est tout ce qu'il reconnaissait, il ne reconnaissait rien d'autre. Je suis fou de Haydn ou de Mozart, très banalement, ou de Telemann, que j'aime beaucoup. Mais je connais très mal la musique, aussi bien classique que moderne, et je ne crois pas que je me risquerais à en parler. Drieux-La Rochelle. Je pense toujours, quand on me parle de Drieux-La Rochelle, je pense toujours, vous savez, à cette hémistiche dont parle, je crois, Brasillach. Monterland et Drieux, vous savez, c'est toute une époque, n'est-ce pas, Monterland et Drieux. Drieux-La Rochelle, j'aime beaucoup Drieux-La Rochelle, oui, j'aime beaucoup. J'ai un cousin qui est Louis Malle, et qui aime beaucoup Drieux-La Rochelle aussi, et qui a fait le film Feu Follet, comme vous savez, avec Maurice Ronet. J'aime beaucoup Gilles, naturellement, je trouve ça merveilleux. Et j'aime beaucoup des livres moins connus, comme j'ai relu tout dernièrement L'Homme à cheval. Je ne sais pas si vous vous rappelez de L'Homme à cheval. C'est l'histoire d'une révolte en Amérique du Sud. Je ne me rappelle plus si c'est en Bolivie ou en Colombie, je croirais que c'est en Bolivie. Je crois que c'est à La Paz que se passe la révolte. Et alors, il y a un personnage comme ça d'aventurier et puis un autre personnage de jésuite qui sont extraordinaires. Et c'est un très, très joli livre. Et Une femme à sa fenêtre aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est très, très joli. Et je crois que c'est quelqu'un qui montera dans l'histoire de la littérature. Je pense que c'est quelqu'un dont le rôle ne fera que s'accroître. Le voyage. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé par les circonstances. Mon père était diplomate et moi-même, j'ai longtemps travaillé et je travaille encore à l'UNESCO, ce qui m'a valu de voyager beaucoup. Et je crois qu'en Europe, il n'y a qu'un pays que je ne connaisse pas, c'est la Finlande. Et je pense que dans le monde entier, je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 pays que je ne connais pas. Quand je dis que je ne connais pas, je veux dire que je n'y suis jamais passé, serait-ce pour une heure, n'est-ce pas ? J'appelle à un pays que je connais, un pays où je suis sorti de l'aéroport. Vous savez, l'aéroport, ça ne compte pas, n'est-ce pas ? C'est ce que Cocteau appelait, et c'est assez joli, il appelait ça l'espéranto visuel. Vous vous rappelez ? Je vous ai raconté ça. C'est assez joli, c'est cette espèce de tiers-monde, n'est-ce pas, qui est partout le même et qui n'est nulle part. Bon, alors ne parlons pas des aéroports, mais en dehors des aéroports, en sortant si peu que ce soit des pays, je crois qu'il y en a 6 ou 7 que je ne connais pas. Alors, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup ça. Et quand, non pas vous, mais quand des dames dans les salons me parlent des voyages, alors je leur dis que je n'aime pas ça. Je crois vraiment que le mot giro-doux est très vrai. Si tu veux connaître le monde, ferme les yeux, Rosemonde. Je crois que le voyage est très important pour voir les choses, pour les connaître. Et puis c'est très important aussi de s'en débarrasser. Il y a toute une catégorie de voyages que j'aime passionnément. C'est ceux qui sont liés au pays de soleil. J'ai dit souvent que j'aimais le soleil. Eh bien, c'est vrai. Et la Méditerranée, les pays où le soleil brille comme ça, vous savez, sur un mélange d'eau et de rochers. Bon, j'en suis fou. Et j'espère pouvoir voyager éternellement dans un petit nombre de pays qui sont ceux qui sont autour de la Méditerranée. Les autres, je dois dire qu'il y a beaucoup de mythologie dans le voyage. Et que souvent, j'ai été content d'aller dans tel ou tel pays en me disant « Bon, eh ben, voilà une bonne question de régler, vous savez. Comme si vous voulez, bon, il y a certaines femmes, bon, on se dit, bon, ben, celle-là quand même. Et puis, à un moment donné, on en est débarrassé. Bon, eh ben, c'est une bonne chose, tant mieux. Ce pays-là, je parle du pays, on l'a traversé, eh bien, n'en parlons plus. Ben, on est débarrassé. Alors, je crois qu'il faut se débarrasser d'un certain nombre de voyages. » Paul Valéry. Eh bien, pardonnez le ridicule, vous savez, Paul Valéry, c'est très bien. C'est très bien. Je vous jure que je ne savais pas que vous me poseriez cette question. Mais je crois pouvoir vous répondre mieux que par ma triste prose. Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et ma vie n'était que vos pas. Tout de même, avoir écrit ça, vous savez, ça vaut quelque chose. Et enfin, tout de même, je me rappelle, quand je préparais Normal, j'avais un professeur de philosophie que j'aimais beaucoup, qui a été professeur au Collège de France, qui s'appelait Jean Hippolyte. Et je me rappelle que j'ai eu vraiment une espèce de coup de foudre quand, à propos d'une leçon sur Hegel, il nous a lu et commenté pendant deux classes de 2 heures La Jeune Parc. Et je vous assure que ça a été un éblouissement. Je n'oublie pas, vous savez, je n'oublie pas le commentaire de Brasillach sur Valéry. Vous savez, alors il y a un commentaire de Brasillach où il dit bon, qu'est-ce que ça veut dire ça, pas. Alors il cherche par exemple Midi le Juste. Vous savez, dans Paul Valéry, il y a Midi le Juste qui compose de feu la mer toujours recommencer. Alors Brasillach dit Midi le Juste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut rien dire du tout, c'est pas, c'est à cause des pieds. Midi le Juste, ça veut dire Midi Juste, c'est tout. Ça, c'était les commentaires de Brasillach. Et alors, vous savez, une chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que souvent on dit, n'est-ce pas, la culture baisse de plus en plus. Et en un sens, je crois que c'est vrai, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui peuvent lire un livre en latin ou en grec ou même en ancien français. Il y a même des professeurs de mes amis qui me disent que certaines formules du français classique commencent à ne plus être très bien comprises. Mais inversement, il y a des enfants de 14 ans qui lisent Valéry beaucoup plus simplement qu'on ne le lisait il y a 20 ans. N'est-ce pas? Il y a 20 ans, rappelez-vous, des professeurs comme Cohen donnaient des commentaires de Paul Valéry. Eh bien, le même écolier français qui a du mal maintenant à comprendre Corneille, parce que les tournures de phrases sont déjà un peu difficiles pour lui, en revanche, il est plongé dans un espèce d'air du temps, dans une certaine compréhension de la littérature moderne qui fait que Valéry est lu beaucoup plus facilement. Les choses, n'est-ce pas, s'assimilent peu à peu. Mais vous savez, ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à Valéry. Certaines choses surréalistes qui paraissaient incompréhensibles il y a 20 ans sont maintenant admirablement comprises par des garçons de 15 ans parce que ça fait l'objet de chansons, que c'est entré dans une certaine sensibilité intellectuelle. La peur. Vous savez, c'est comme le tiercé. Alors ça, je ne crois pas que je connaisse très bien ça. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Oui, j'ai eu peur. Je raconte dans un de mes livres que j'ai sauté en parachute, vous savez. Je dis que les trois choses que j'ai faites dans ma vie, c'est de passer à l'agrégation de philosophie, d'écrire le premier roman, c'est le seul qui compte, vous savez, au point de vue, pas peut-être pas au point de vue littéraire, espérons que c'est pas le seul qui compte, mais au point de vue de existentiel, vous voyez, au point de vue de l'événement dans la vie, c'est quand même le premier qui compte, vous savez, la première fois que vous recevez vos épreuves, etc. Et puis j'ai sauté en parachute. Alors si je vous disais qu'au moment où vous savez, j'étais dans un avion comme ça, c'était après la guerre, ou quelques années après la guerre, et pour l'entraînement, on a en principe des avions où il y a une trappe qui s'ouvre. Mais nous n'avions pas ces avions-là, et nous avions des avions où vous entriez par une porte, et puis vous sautiez par cette même porte par laquelle vous étiez entré. Alors il y avait l'instructeur qui vous ouvrait la porte, et puis qui vous faisait sauter. Et moi, je faisais mon service militaire comme ça, comme les élèves des grandes écoles à cette époque-là, je n'avais que 3 mois. Alors on avait décidé qu'on ne me ferait pas sauter parce que je n'avais pas le temps. Et puis le dernier jour, le colonel a fait appeler l'intellectuel que j'étais, n'est-ce pas, et m'a demandé très gentiment si je voulais sauter. Alors moi, naturellement, j'avais dit que je voulais sauter, mais vous savez, j'avais horriblement peur, et j'avais pas envie de sauter du tout, mais le moyen de reculer. Alors on m'a fait monter dans l'avion, et on a fait sauter tous ceux qui étaient instruits d'un seul coup, et puis, sans me pousser du tout, pas les autres, on les poussait, et puis le pauvre misérable intellectuel, on lui a demandé très poliment, vous voulez sauter? Oui, vous avez envie de sauter? Et qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit oui, pas. Et puis j'avais très peur. Alors j'ai regardé, là, j'ai vu tout ça devant moi, vous savez, tout petit. Alors on m'a dit, ne sautez pas là, parce que je voyais quelque chose qui était grand, comme, vous savez, comme une tête d'épingle. On m'a dit, ne sautez pas là, parce qu'il y a un étang, là. C'est minuscule, l'étang. Bon, et puis alors là, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Mais enfin, je ne peux pas dire que la peur soit quelque chose qui compte pour moi, non. Et même, vous savez, c'est une espèce de défaut aussi. La peur, la révolte, l'angoisse, voilà les choses qui peut-être me manquent. Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'angoisse non plus. Vous voyez, la faiblesse. Le rire. Ben ça compte beaucoup plus pour moi. Alors ça compte énormément. Il y a peu de choses qui me paraissent plus... Non pas plus drôle, mais plus enrichissante que le rire. Vous savez, je vois à peu près toute l'histoire de la littérature française comme quelque chose, et j'espère pouvoir vous convaincre, comme quelque chose où le rire a fabuleusement compté. Il n'y a pas de littérature qui soit plus gaie que la littérature française. Je ne vous parle pas de Rabelais. C'est trop clair. Je ne vous parle pas de Montaigne, qui était un homme qui adorait rire. Je ne vous parle pas de Racine et de Corneille, qui ont tous deux écrit des choses drôles. Marivaux, Beaumarchais, Victor Hugo, Proust. Eh, ça c'est drôle, Proust. Moi qui ai tellement honte d'avoir été ennuyé par Proust quand j'étais tout jeune. Maintenant, quand je lis Proust, une des choses qui me frappe le plus, c'est combien je ris. Apollinaire parle de la française gaieté. Je crois vraiment que la littérature française est une littérature où le rire a joué un rôle énorme. Et puis alors j'ai une faiblesse, alors en plus, ne me lancez pas sur cette voie-là, parce qu'alors là je ne m'arrêterai plus. Le mot, vous savez, le mot est quelque chose qui me fait énormément plaisir, j'adore les mots. Vous savez, je suis un peu comme Flair, qui a écrit des pièces si drôles, et Feydeau n'aimait pas beaucoup Flair. Et il disait, oui, Flair, il cherche des mots partout. Oh, Flair, il fait le soir la tournée des cafés, et il va chez la caissière, et il demande, on n'aurait pas laissé un mot pour moi par hasard? Eh bien, vous savez, je suis un peu comme ça. Moi, je cherche les mots, et j'adore les répéter, alors ne me poussez pas dans cette voie. Balzac. Ça, c'est le géant, n'est-ce pas ? C'est... Bon, ben, je vais vous répondre par une histoire que je tire d'un autre que j'aime beaucoup. C'est Proust. Je vais vous répondre tout à fait indirectement. À la fin de sa vie, M. de Charlus a eu beaucoup de malheur dans Proust. Vous savez qu'il a collaboré pendant la guerre de 14. Vous savez que lui qui était si riche a perdu une bonne partie de sa fortune. Lui qui était si élégant est devenu un pauvre vieux monsieur qu'on traîne dans une voiture. Les gens ne le saluent plus. Lui qui était si hautain, il est presque méprisé. Et il y a quelqu'un qui demande à Monsieur de Charlus « Qu'est-ce qui vous a fait le plus de peine dans votre vie ?» Et Monsieur de Charlus répond « Je crois que c'est la mort de Lucien de Rubempré à la fin de Splendeur et misère des courtisanes. » Alors ça, je trouve que c'est une histoire merveilleuse, n'est-ce pas ? Parce que ça montre cet amour de la littérature, n'est-ce pas ? Et ça montre, à travers Proust, n'est-ce pas, ce qu'un personnage d'un autre auteur, à travers un personnage imaginaire d'un autre auteur, représente. Et ça montre ce qu'est Balzac, n'est-ce pas ? Ça montre ce qu'est Balzac. Il y a un autre mot de Balzac dans Proust qui est admirable. C'est justement quand l'abbé Vautrin passe devant le château où habitait Rubempré, n'est-ce pas ? Et il y a tout le monologue intérieur de Vautrin dont parle un personnage de Proust, n'est-ce pas ? Et ce monologue intérieur où l'abbé Vautrin se désole de la mort de Lucien de Rubempré et dit tout ce qu'il aurait construit sur ce personnage, n'est-ce pas ? Et le personnage de Proust dit... Charlus dit « C'est la tristesse d'Olympio de la pédérastie ». C'est un mot admirable. Hein, et alors ça montre comme Balzac a réalisé ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire faire concurrence à l'état civil, et qu'il a créé pour nous un monde qui double vraiment le monde réel, n'est-ce pas ? Les personnages de Balzac sont plus vrais pour nous que les personnages dont nous ont parlé nos parents, par exemple, et qui ont vraiment existé. Tout Balzac, c'est la réalisation du mot admirable de Balzac mourant, qui dit, vous savez, vous connaissez l'histoire, qu'on appelle Bianchon, c'est-à-dire le personnage qui, dans son œuvre, représente le médecin. L'érotisme. Je suis content que vous me posiez cette question, n'est-ce pas ? Je voudrais tout de suite vous dire que si vous m'aviez posé cette question il y a 20 ans, j'aurais fait une apologie, n'est-ce pas ? J'aurais dit que j'étais pour, très pour. Bon, d'abord parce que j'avais 20 ans de moins. Bon, et puis que maintenant, bon, enfin, vous voyez. Ouais. L'âge passe, le temps passe. Mais pas seulement à cause de ça, pas seulement à cause du temps qui passe dans ma personne, mais aussi à cause du temps qui passe dans les mœurs, dans l'âge. L'érotisme, franchement, on en a soupé, vous savez. Franchement, il y en a trop, c'est assommant. La pornographie, vous savez, je suis persuadé, et je crois vraiment que le... disons la majorité silencieuse de la littérature sera de mon avis. Franchement, ça doit être utilisé à dose homéopathique. Je vous assure que je ne suis pas, farouchement hostile au libertinage, je suis plutôt favorable. Ne croyez pas que je sois étroit d'esprit, on m'a souvent reproché d'être trop large. Bon, moi-même, je pense que vous trouveriez dans mon œuvre deux ou trois pages qui peut-être pourraient être rangées en gros, auraient pu être rangées en gros dans ce qu'on appelait l'érotisme jadis. Aujourd'hui, ce sont les enfants des écoles qui liraient mes deux pages, n'est-ce pas ? Parce qu'on est envahi d'érotisme et de pornographie, et que ça devient assommant. Je suis persuadé que c'est une des causes d'une certaine désaffection de la littérature et du cinéma par le grand public. C'est qu'on sait d'avance qu'on finira par coucher, qu'il y aura la scène où la Vierge est violée, tout ça, vous savez, c'est assommant, n'est-ce pas ? Je crois vraiment qu'il y a deux ennemis de la littérature, c'est l'érotisme et c'est l'ésotérisme. Je crois qu'il est très bon qu'il y ait une certaine difficulté dans la littérature et très bon qu'il y ait une certaine audace dans la littérature, mais ni la difficulté ni l'audace, il ne faut en abuser. L'argent. Ah, écoutez, si je vous disais que l'argent, c'est pas important, vous ne me croiriez pas. Vous ne me croiriez pas. Alors, là aussi, vous choisissez si bien vos questions que je vous en parlerai pendant des heures de l'argent. Si vous voulez, en gros, tout à fait en gros, toute une fraction de la littérature bourgeoise, je veux dire Paul Bourget, René Bazin et les autres qui sont maintenant voués aux hégémonies, tout cela est frappé à peu près d'inexistence pour différents motifs, mais un des motifs très importants, c'est qu'ils vivent dans un monde où l'argent n'existe pas. C'est parce qu'ils vivent dans une catégorie sociale, n'est-ce pas, qui est la bourgeoisie. Et dans cette bourgeoisie, ce qui rendait d'ailleurs la vie très agréable, on ne parlait pas de deux choses. Moi, je sais, dans ma famille, n'est-ce pas, il y a 30 ans, on ne parlait pas de deux choses. On ne parlait pas de certaines maladies, n'est-ce pas, même de maladies qui n'avaient rien de honteux. On ne parlait pas de tuberculose et de cancer, n'est-ce pas ? C'est des mots qu'on ne prononçait pas. Et on ne parlait pas d'argent, n'est-ce pas ? Alors, ça donnait en un sens une certaine élévation aux mœurs et à la conversation. Mais en un autre sens, c'était une élévation qui était truquée, n'est-ce pas ? Qui était truquée parce qu'on ne parlait pas de l'argent, parce qu'on en avait. Alors, la révolution qui s'est passée, c'est qu'on parle de l'argent parce qu'on vit dans un monde où la réalité économique, décidément, on sait que ça existe, n'est-ce pas ? Et que la réalité économique commande, en un sens, la littérature que vous faites. Et toute la vie sociale, la vie politique, la vie littéraire, en un sens, tourne maintenant autour de l'argent, et on ne peut plus nier que ça existe, ce problème. Si vous voulez que je vous résume ce que je pense de l'argent en un mot, eh bien, je dirais volontiers que l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui en ont. Ça, c'est vrai. Seulement, il fait le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Alors, si vous voulez coller ces deux choses ensemble, vous verrez très bien la situation de l'argent. Comment nier que si vous avez des enfants malades et que vous n'avez pas d'argent, le bonheur, c'est l'argent ? Il faut être de la bourgeoisie la plus arriérée pour ne pas comprendre ça. Si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes dans la misère, l'argent, c'est le bonheur. Mais une fois que vous l'avez, il est frappé d'insignifiance. Et c'est vrai que ceux qui en ont ne pensent qu'à une chose, c'est à y échapper. Ils ne peuvent pas y échapper parce que l'argent, c'est très fort, vous savez. Et les gens qui sont neurasthéniques parce qu'ils ont trop d'argent et à qui on dit « mais c'est tout simple, débarrassez-vous-en », mais ils ne peuvent pas. Mais ils ne peuvent pas non plus être heureux avec leur argent. Et c'est là, je crois, une des malédictions de l'argent. Marx a évidemment admirablement parlé de l'argent, mais je crois que sur la psychologie de l'argent, sur la morale de l'argent, il y a encore des tas de choses à dire. Dernier mot, Dieu. Je raconte dans un de mes livres une histoire que j'aime beaucoup. C'est une dame d'œuvre. Vous savez, une de ces dames dont on se moque beaucoup aujourd'hui, qui passe devant un mur. Et sur ce mur, un jeune homme dans le vent, c'est aujourd'hui bien banal, a écrit « Dieu est mort », signé Nietzsche. La dame d'œuvre bien pensante prend une petite éponge, efface quelques mots et écrit à la place « Nietzsche est mort », signé Dieu. C'était Jean d'Ormesson, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois, le 1er décembre 1971, sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr. I miss my friends and my guitar, knowing I can travel far, but now I'm only standing here, completely paralyzed with fear. The fear of who I'll come to be, of all the weaknesses in me. I truly thought I was prepared, but now I'm panicked and I'm scared. But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward, coward, coward, coward, coward, coward, coward, coward, become a coward. How did I become a coward? How did I become a, how did I become a, how did I become a coward? Become a coward.